la cruelle douloureuse histoire de la moustache, de l'artiste et du rasoir. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? A-t-il seulement eu le choix? C'est un noyé dans un verre de pastis. Oui, pas ça, la pastache à quelle. Quand elle finit à la poubelle, comme les poils, ça fait sale. C'est dans le contrat chez Universal. Il faut que tu te rases la moustache si tu veux signer chez Flanash. A-t-elle fini dans un verre de pastis? Repassa la moustache querelle. S'est-elle noyée dans la poubelle? Vas-y Francis, une dernière fois, je t'en prie, fais-le pour moi. J'aimerais tellement la revoir. Jette donc ce satané rasoir. La moustache à Francis. La moustache à Francis. La moustache à Cabrel. La moustache à Francis et Cabrel.